بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours numéro 3 dans l'explication de Riyad al-Salihin, le charh de Riyad al-Salihin, le livre de hadith écrit par l'imam al-Nawawi, qui est traduit comme étant les jardins vertueux. Donc c'est un livre très bénéfique parmi les livres de hadith, les recueils de hadith. Et on est en train d'expliquer, toujours, on est toujours en train d'expliquer le premier hadith. Donc on est dans la troisième partie, troisième cours. Et on expliquait par rapport au hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui parle de « Innama al-a'malu bin-niyyat », les œuvres valent selon leurs intentions. Et on expliquait que par rapport à ce hadith-là, à la fin, on mentionne que la hijra, hein, فَمَنْ هَجَرَ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. Donc celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, eh bien, il sera récompensé pour avoir fait la hijra vers Allah et son messager. Mais celui dont la dunya était, et celui dont la hijra était pour la dunya, ou bien pour avoir une femme, alors il aura la hijra pour la chose pour laquelle il l'a fait. Et on expliquait par rapport à ça les règles qui ont rapport avec la hijra, et que la hijra c'est un verdict dans la sharia qui s'applique, yani, dans le sens que ça fait partie des principes de la sharia de l'islam. C'est pas quelque chose qui est abrogé comme certains s'imaginent, mais la hijra elle continue d'être valide et d'être légiférée jusqu'à la fin des temps. Et on a expliqué que c'est le fait de quitter un pays qui est un pays non musulman pour aller vers un pays musulman. Ça, c'est le jugement, hein, le verdict général de la hijra, la définition de la hijra dans l'islam. On a expliqué les différents cas, les différentes conditions, et on a parlé de ça. Maintenant, le cheikh, il veut parler d'une deuxième catégorie de hijra. Il dit « Hijratul amal, wa hiya an yahjura l'insan » ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Donc ici le cheikh explique que la première catégorie de hijra qu'on avait parlé, c'était hijratul makan, donc la hijra de lieu. Et là, maintenant, on parle de la deuxième catégorie, qui est la hijra de l'action, la hijra dans les œuvres. Et il explique que c'est que l'être humain s'écarte et se sépare de ce que Allah lui a interdit, comme péché, désobéissance, perversité, et ainsi de suite. Et il mentionne comme preuve à ce sujet-là le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie que le musulman c'est celui dont les autres musulmans sont en paix ou sont épargnés de sa langue, c'est-à-dire du mal de sa langue et de sa main. C'est-à-dire que si tu es un vrai musulman, eh bien tu vas pas faire du mal à d'autres musulmans avec ta langue ou avec ta main. Donc c'est ça le vrai musulman. Celui dont les autres musulmans sont épargnés du mal de sa langue et de sa main. Et le muhajir, c'est qui le vrai muhajir? C'est qui le vrai qui fait la hijra? C'est celui qui s'est écarté de ce que Allah lui a interdit. Et le cheikh, il continue, il explique. Il dit, « Fahjur kullama haram Allahu alayka sawa'a kana mimma yata'allaku bihuquqillah » ou même يتعلق بحقوق عباد الله. فتهجر السب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء كل شيء حرم الله تهجره، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك فذكرها أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه. Donc ça c'est la deuxième catégorie de la hijra de l'action. Et il explique donc que tu dois t'écarter de tout ce que Allah t'a interdit. Peu importe que cette chose-là qui est interdite soit par rapport au droit d'Allah ou par rapport au droit des créatures d'Allah. Donc tu t'écartes de l'insulte. Le fait d'insulter, de tuer, de mentir, de tricher, de trahir, de mentir, de manger les biens des autres injustement, d'agir mal envers tes parents, de couper les liens de parenté, toute chose qui a été interdite par Allah, tu t'en écartes. Il dit, même si ton âme t'appelle ou t'incite à vouloir justement faire ces choses-là et t'incite à vouloir faire ces péchés-là, tu ne réponds pas à l'appel de ton âme et tu rappelles à ton âme que Allah a interdit cette chose-là pour que tu t'en écartes et que tu t'en éloignes. Et il y a une troisième catégorie de hijra, c'est hijratul amil. Hijratul amil. Donc, c'est la hijra de celui qui fait l'action ou qui agit. Et il dit fal amilu tajibu hijratuhu ahyanan. Qala ahlul ilm, mithlu ar-rajul al-mujahir bil-ma'siyah alladhi la yubali biha. فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة، والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية. Donc il dit هجرة العامل, c'est lorsque tu t'écartes, c'est-à-dire tu fais le hajr, tu t'écartes de la personne, tu la boycottes cette personne lorsqu'elle fait un péché ou lorsqu'elle fait une bid'a ou lorsqu'elle fait quelque chose de mal de façon générale. Et des fois ça peut être même obligatoire de t'écarter de ces personnes-là. Et il dit l'exemple, c'est ce que les hommes de science ont mentionné à ce sujet-là, c'est comme une personne par exemple qui fait des péchés ouvertement et que ça lui dérange pas de faire des péchés. Alors, il est légiféré dans ce cas-là de s'écarter de cette personne lorsqu'il y a un bienfait dans ça. Et le bienfait qui en découle, ça peut être de deux sortes, comme le cheikh il le mentionne pas nécessairement ici, mais c'est une chose que les gens oublient, c'est que le bienfait il peut revenir à la personne qui fait le péché lorsqu'on lui fait le hajr, dans le sens qu'il va savoir qu'il a fait quelque chose de mal et par conséquent il va revenir de son péché, il va cesser de faire le péché. Mais il y a aussi un autre bienfait qui en découle des fois, c'est que tu vas en être protégé toi-même parce que tu t'éloignes de cette personne qui fait ce péché-là. Tandis que si tu fréquentes une personne qui commet le péché, tu risques à long terme d'être influencé par cette personne et tu risques même toi-même de commencer à le commettre. Ou si c'est une bid'a, et que tu fréquentes celui qui pratique cette bid'a ou qui appelle à cette bid'a, eh bien là c'est encore plus grave pour toi, c'est plus dangereux encore parce que il risque de t'influencer et de te faire tomber dans la bid'a avec lui. Alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de s'en écarter. Et souvent les gens, parfois ils parlaient du hajr par rapport à l'innovateur ou par rapport au pécheur. Et il ne prenait en considération que le bienfait de celui qui était dans le péché lui-même. Mais il ne tenait pas compte parfois du bienfait qui découle de celui qui s'en écarte. Hein? Parce que des fois, il y a un hajr qui est fait par prévention pour se préserver soi-même. Si tu sens que toi-même, tu es une personne qui est tentée ou qui est faible, et que tu restes en compagnie d'une personne qui est dans le péché, tu dis, si je lui fais le hajr, et si je le boycotte, il va s'enfoncer encore plus dans le péché, et donc je vais rester avec lui, comme ça au moins, quand je vais être avec lui, il va revenir à la vérité. Sauf que toi, tu restes avec lui, hein, si tu sais que tu es fort et que tu es capable de le ramener, hein, ça c'est possible, mais en même temps, c'est possible que tu saches que toi-même, tu ne seras pas capable de le faire revenir et que tu risques au contraire toi-même de t'enfoncer encore plus et de t'égarer et même d'être tenté et de tomber avec lui dans le péché si tu restes avec lui. Alors dans ce cas-là, hein, reste pas avec cette personne, écarte-toi du pécheur, écarte-toi des gens du péché. Et si les musulmans, ils appliquaient cette règle-là, il serait beaucoup plus facile pour eux de se protéger de tomber dans le haram, parce que souvent les gens, quand ils tombent dans le péché, c'est parce qu'ils fréquentent des gens qui vivent dans le péché ou qui font le péché. Le cheikh, il dit ensuite: ومثال ذلك رجل معروف بالغش بالبيع والشراء فيهجره الناس فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم ورجل ثاني يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه فإذا عرف هذا يعني خجل من نفسه وعاد إلى صوابه أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل المعصية لا من أجل كفر لأن الكافر المرتد يهجره على كل يعني يهجر على كل حال يعني أفاد أم لم يفد ولكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره لأن النبي صلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بدأ بالسلام. Donc le cheikh il explique que il dit que si, par exemple, une personne qui est connue comme étant une personne qui triche dans des ventes qu'il fait ou dans des achats qu'il fait, alors les gens vont le boycotter. Et le fait qu'il voit que les gens le boycottent, il se repent à Allah, il a des remords et il revient. Tandis qu'une autre personne qui fait du riba et les gens le boycottent, alors quand il voit que les gens refusent de lui donner le salam ou de lui parler, alors il reconnaît en lui-même qu'il a fait quelque chose de mal et il est gêné de ça. Et il revient et il se repent. Il dit, tandis que si le hajr n'a pas d'effet bénéfique, hein, alors que c'est pour un péché, il dit, on ne parle pas de quelqu'un qui est dans le kofr ou qui a apostasié, parce que l'apostat, yani, peu importe que ce soit bénéfique ou non, on lui fait le hajr. On parle seulement de celui qui est dans le péché et que son péché est moindre que la mécréance. Et si, par exemple, dans le fait de lui faire le hajr, il y a un bienfait, alors on le fait. Et il dit, c'est comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il n'est pas permis à un musulman de s'écarter ou de boycotter son frère musulman plus que 3 jours. Lorsqu'ils se rencontrent, celui-ci se détourne et l'autre se détourne. Le meilleur des deux est celui qui commence à donner le salam à l'autre. Donc ça, c'est dans un cas bien spécifique, c'est-à-dire celui qui commet un péché ou qui a commis une faute envers son frère. Hein? Mais lorsqu'il s'agit, comme j'ai dit, d'une bid'a, et que quelqu'un appelle à cette bid'a, dans ce cas-là, il faut boycotter la personne de façon catégorique. Et si c'est une personne qui est faible et qui manque d'être, qui risque d'être influencé dans le péché ou dans la bid'a, alors encore plus. Si tu es une personne forte et que tu as de la science et que tu connais et que tu penses que tu es capable de lui faire revenir, tu vas lui faire la nasiha et ainsi de suite, c'est bien. Sauf que si tu vois que la personne elle persiste et qu'elle ne veut pas suivre le droit chemin, tu ne dois pas continuer à rester avec cette personne, tu dois la quitter. Et le cheikh il dit que. Il dit, ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان، فيبقى النظر هل الهجر يفيد أم لا؟ فإن أفاد فإنه يهجر، ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تابوك فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بهجرهم لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما ولجأوا إلى الله وضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني وضاقت عليهم أنفسهم وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتابوا وتاب الله عليهم وهذه أنواع الهجرة هجر المكان وهجر العمل وهجر العامل. Donc le cheikh il dit, il reste donc un exemple, il dit on sait très bien que il est connu que les péchés ne font pas sortir de la foi hein, tant que ce sont des péchés qui sont moindres que la mécréance selon Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit tandis que si par exemple le hajr il a un point, il est bénéfique. Lorsque le hajr, le boycott, est-ce qu'il est bénéfique ou non? Et s'il dit s'il est bénéfique, alors dans ce cas-là, il y a une preuve qu'on doit le faire. Et le cheikh, il mentionne l'exemple ici de Ka'b ibn Malik, et de Hilal ibn Umayya et de Mirara, tel que c'est mentionné dans le Coran, dans Surat Tawbah. Lorsque ces trois s'étaient abstenus de partir dans la bataille de Tabouk, et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont reconnu qu'ils étaient restés, non pas parce qu'ils avaient une excuse, mais comme ça, le temps était passé, puis finalement ils ne sont pas partis. Donc ils n'ont pas cherché d'excuse auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, ils se sont repentis et ils ont demandé au messager d'Allah de demander pardon. Ils ont demandé au messager d'Allah. En fait, ils ont demandé à Allah la repentance. Ils ont dit, on ne veut pas que tu nous excuses, mais plutôt, on veut on veut que Allah nous pardonne. Donc, on attend le pardon d'Allah. Hein, la repentance, que Allah nous donne la repentance. Alors, pendant 40 jours, ou même 50 jours, si je ne me trompe pas, les Sahaba ont boycotté complètement ces trois-là. Et les ulama ont dit que ça, c'est la preuve que, dans des questions qui ont rapport avec des sujets comme ça, c'est permis de boycotter une personne jusqu'à ce qu'elle se repente. Ce n'est pas limité par une limite de 3 jours. D'accord? Donc, si les questions d'une bid'a, lorsqu'une personne est sur une bid'a ou lorsqu'elle est sur quelque chose de grave, et bien dans ce cas-là, on peut boycotter la personne, même si c'est une personne qui est musulmane, mais même à ça, si elle représente une fitna ou un danger pour les gens, c'est permis de la boycotter jusqu'à ce qu'elle revienne, jusqu'à ce qu'elle se repente. Hein? Et on a l'exemple dans ces trois-là qui avaient été boycottés par les Sahaba pendant 50 jours jusqu'à ce que Allah révèle son pardon dans Surat At-Tawba à leur sujet. Et ça, c'est une réponse à propos de ceux qui pensent que le Hajr, s'il n'est pas bénéfique, ils disent « Ah, c'est pas bénéfique, ça sert à rien de le faire, donc on peut continuer à côtoyer les innovateurs et les pécheurs et c'est pas grave ». Premièrement, peut-être que ces personnes-là, c'est peut-être pas c'est peut-être pas bénéfique pour eux dans le sens que même si tu vas les boycotter, ils vont continuer à faire le péché. Mais en même temps, aussi, il faut voir le fait que, si tu continues à les côtoyer, ça risque d'être un danger pour toi, dans ta foi à toi et dans ta pratique à toi. Par conséquent, il faut éviter donc de continuer à côtoyer ces personnes. Maintenant, on va expliquer maintenant le deuxième hadith. Le deuxième hadith qui est mentionné ici dans Riyad al-Salihin. Et le deuxième hadith, c'est le suivant. An al-Mu'minin, Abdillah. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Donc, ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté selon Aïcha, radiyallahu anha. Et c'est le deuxième hadith qui est rapporté dans Riyad al-Salihin. Et c'est un hadith très important par rapport à l'intention, parce qu'on sait que le sujet de ce chapitre, c'est Al-Ikhlas, la pureté et la sincérité de l'intention. Donc, il explique ce hadith qui est rapporté par Umm al-Mu'minin Aisha, radiyallahu anha, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'une armée tentera d'envahir la Kaaba. Une armée qui va tenter d'envahir la Kaaba. Et une fois cette armée arrivée dans une zone désertique, la terre les engloutira, les soldats qui la composent du premier au dernier. Alors Aïcha radiallahu anha a dit, ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier jusqu'au dernier, alors qu'il y aura parmi eux des commerçants et des personnes venues avec eux avec d'autres intentions? Il répondit, ils seront engloutis du premier jusqu'au dernier, puis ils seront ressuscités conformément à leurs intentions. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cette narration, c'est celle de Al-Bukhari. Donc le cheikh, il explique maintenant, cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il explique ce hadith. Il dit, قوله يغزو جيش الكعبة. الكعبة المشرفة حماها الله وأنقذها من كل شر. هذه الكعبة هي بيت الله. بناه إبراهيم وابنه إسماعيل. وكان يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن فغزاه بجيش عظيم في مقدمه قيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة يعني في مقدمه فيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة بيت الله فلما قرب من الكعبة وصل إلى مكان يقال له المغمش المغمس يعني حرن الفيل وأبى أن يتقدم فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فأبى فإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأسرعه وهذا قال الرسول ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما أن ناقته يعني حرنت وأبت أن تمشي يعني فقال الصحابة خلأت القسوة، خلأت القسوة يعني حرنت أي بركت من غير علة، يقال لها يعني إذا لم تبرح مكانها، يعني وخلا في الإبل والحران في الدواب، يعني خراء الخلا في الإبل والحران في الدواب، ويقال خلأت الناقة وألح الحمل ألح الجمل وحرن الفرس. نعم، يعني خلأت القسوة يعني حرنت وبركت من غير علة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القسوة وما ذاك لها بخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن بهيمة، لأن الظلم لا ينبغي ولو على البهائم. ما خلأت القسوة وما ذاك لها بخلق، أي عادة، بل حبسها حابس الفيل، وحابس الفيل هو الرب سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. Donc, on va traduire toute cette partie qu'on vient d'expliquer maintenant. Le cheikh explique que il y a un groupe qui vont combattre ou qui vont faire une expédition pour attaquer la Kaaba. La Kaaba, c'est la maison honorée que Allah protège et que Allah sauve de tout mal. La Kaaba, c'est la maison d'Allah. La maison d'Allah, c'est-à-dire la maison qui a été bâtie pour l'adoration d'Allah exclusive. Elle a été bâtie par Ibrahim, le prophète Abraham, et son fils Ismaïl. Et tous les deux, lorsqu'ils élevaient les fondements de cette maison, ils disaient « Ô notre Seigneur, accepte de nous, certes tu es l'audient et l'omniscient, celui qui sait tout. » Et donc, lorsque Abraha, un des rois éthiopiens de l'époque, ont voulu envahir, il venait du Yémen, il a voulu envahir la Kaaba et la détruire. Il est venu avec une grande armée, et à la tête de cette armée, il y avait un éléphant. Et il voulait, avec cet éléphant, détruire la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il a même révélé une sourate dans le Coran, parmi les courtes sourates dans le Coran, qui justement qui fait référence à cet événement-là. Donc, le cheikh, il explique que lorsque ils sont arrivés donc devant la Kaaba, ils sont arrivés proche d'un endroit proche de la Kaaba, et arrivés à cet endroit-là, un endroit qu'on appelle Al-Muhammas, eh bien, l'éléphant s'est agenouillé et il a refusé d'avancer. Et il essayait de tout faire pour le pousser l'éléphant, pour l'amener à avancer, mais l'éléphant ne voulait pas broncher, ne voulait pas avancer du tout. Et lorsqu'il tournait l'éléphant vers la direction du Yémen, eh bien, l'éléphant partait en courant et il accélérait. Et donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était la bataille de Al-Hudaybiyah ou bien l'expédition de Al-Hudaybiyah, il était sur sa monture, sur sa chamelle, et elle s'est agenouillée elle aussi, elle s'est baissée elle aussi, elle s'est assise. Et elle a refusé d'avancer. Alors, les sahaba ont dit, yani, khalat al-qaswa. Al-qaswa, c'était le nom de cette chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, elle n'a pas refusé d'avancer parce que c'est pas son comportement. C'est pas comme ça qu'elle agit. C'est pas son comportement, c'est pas son caractère d'agir comme ça. Donc vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il défend même un animal de cette de cette accusation qu'on a lancée contre elle, contre cette chamelle. Parce qu'elle, il dit, parce que l'injustice n'est pas permise, même si c'est contre un animal. Et le cheikh, il dit donc, il dit non, c'est pas qu'elle a refusé d'avancer, mais c'est Allah qui l'a retenue comme. Et il a dit d'une façon, comment il l'a expliqué, il a dit, mais celui qui a retenu l'éléphant l'a retenu. C'est-à-dire, celui qui a retenu l'éléphant, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a retenu. Et il dit, il a dit par la suite, et par Allah, s'il me demande, par celui qui tient mon âme en sa main, s'il me demande quelque chose, hein, ou décrète quelque chose par lequel il y aura un respect de ce que Allah a rendu sacré, eh bien, c'est certain que je vais accepter leur demande par rapport à l'entente de Al-Hudaybiyah. Il dit Al-Muhim an al-Ka'ba ghuziyat min qabl من قبل اليمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبة فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن يمشي وحرنه فانتهروه ولكن لا فائدة فبقوا هناك وانحبسوا فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل والأبابيل الجماعات الكثيرة من الطيور وكل طير يحمل حجرا قد أمسكه برجله ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته حتى يخرج من دبره أو يخرج إلى دبره فجعلهم كعصف مأكول. يعني كأنهم زرع أكلته البهائم، يعني فندكوا في الأرض. وفي هذا يقول أمية بن الصلت، ابن الصلت، يعني حبس الفيل المغمس حتى صاروا يحبوا كأنه معقور. فحمى الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء لكي يهدم بيت الله، وقد قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة، جيش عظيم. Donc ici, le cheikh, il résume tout ce qu'il a dit avant, puis il explique que donc il y a des gens du Yémen qui ont voulu attaquer la Kaaba. C'était des Abraha, yani les Éthiopiens. Et c'était une armée qui était à la tête, il y avait un éléphant immense qui était là pour détruire la Kaaba. Mais une fois arrivé à l'endroit qu'on appelle Al-Muhammas, l'éléphant s'est agenouillé, il a refusé d'avancer. Et ils ont tout essayé pour le faire avancer, mais il n'y avait rien à faire. Il est resté comme ça. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur eux des grands attroupements d'oiseaux. Hein? Et chacun de ces oiseaux portait dans ses pattes une pierre. Et lorsqu'il lançait cette pierre, ou lorsqu'il laissait tomber cette pierre sur cette armée, chaque fois qu'ils étaient frappés par une de ces pierres, eh bien, elle passait, yani, elle tombait sur eux, puis yani, ils ont tous été anéantis. Et ils sont devenus comme Allah les a décrits dans le verset dans Sourate Al-Fil, ka'asfim ma'koul, comme de la paille mâchée. Et ils ont tous donc péri. Et il y a des poètes qui ont même mentionné des poèmes à ce sujet à l'époque. Donc Allah a protégé, ça c'était avant l'islam, Allah subhanahu a protégé la Kaaba des ruses de ce roi injuste qui voulait détruire la maison d'Allah. Et Allah subhanahu il dit donc dans le verset 25 dans Surat Al-Hajj, et quiconque désire faire d'une transgression, d'injustice, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Et à la fin des temps, il y a une armée qui va attaquer la Kaaba. Une grande armée. Et le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ أي بأرض واسعة خسف الله بأولهم وآخرهم. يعني خسفت بهم الأرض وساخوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. وفي هذا دليل على أنهم جيش عظيم لأن معهم أسواقهم للبيع والشراء وغير ذلك. فيخسف الله بأولهم وآخرهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم وأسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء وليس لهم قصد سيء في غزوة الكعبة وفيهم أناس ليسوا منهم تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم يعني كل له ما نوى فهذا رد من أفراد قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc pour expliquer ce passage là, le cheikh il explique maintenant, il dit que il y a un groupe donc qui à la fin des temps va attaquer la Kaaba. Et quand ils vont arriver dans un endroit, une terre grande et déserte, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire tous engloutir du premier jusqu'au dernier. Donc ils vont tous être engloutis. Même ceux qui étaient parmi eux et qui n'étaient pas des combattants. Par exemple, les vendeurs, les acheteurs, les commerçants et ceux qui les accompagnaient. Et ils vont tous être engloutis. Il y a dans ça une preuve. Le cheikh, il dit, il y a dans ça une preuve que cette armée-là était immense, ou va être immense, puisqu'il y a même des marchands et des commerçants avec eux. Donc, quand une armée est si grande que ça, et ça c'est la preuve qu'il est vraiment grand quand il y a des commerçants qui suivent le régiment. Et il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala va tous les engloutir du premier jusqu'au dernier. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça à Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question: ô messager d'Allah, comment Allah va les engloutir du premier au dernier alors que parmi eux il y en a qui sont des commerçants et il y en a qui ne font même pas partie d'eux. Les aswaqum, c'est-à-dire ceux qui sont venus juste pour vendre et acheter, ils sont pas des combattants et ils n'ont aucune mauvaise intention envers la Kaaba. Donc comment peuvent-ils eux aussi être engloutis? Et le cheikh il explique que parmi eux, il y en a qui les ont suivis et qui ne savaient même pas peut-être le plan qui était préparé justement contre la Kaaba. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont tous être engloutis du premier jusqu'au dernier, même les vendeurs et les commerçants parmi eux, puis ils seront tous ressuscités selon leurs intentions. C'est-à-dire tous chacun selon l'intention qu'ils avaient. Et donc le cheikh il dit, فهذا فرد من أفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. C'est-à-dire que ça c'est un exemple des paroles du prophète صلى الله عليه وسلم qui correspondent justement à la signification de ce qu'il dit dans le hadith. Les œuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon ce qu'il a eu comme intention. Hein? Parce que parmi eux, il y en a qui ont eu, parmi cette armée-là, il y en a qui ont peut-être une intention qui est mauvaise et d'autres peut-être qui sont là et qui n'ont pas nécessairement une mauvaise intention. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il les fait tous périr en même temps, il ne va pas tous les ressusciter de la même façon. Il va les ressusciter chacun selon l'intention qu'il avait. Et ça, c'est parfois les arguments qu'on entend de la part des athées, parfois, lorsqu'ils disent des arguments pour justifier ou pour essayer de justifier pourquoi ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, mais comment ça se fait que si Allah existe, il peut y avoir des gens qui sont croyants parfois et qui périssent dans des catastrophes ou dans des malheurs, alors que ce sont des gens qui croient en Allah et qui font le bien, qui font des bonnes choses, et malgré tout, ils périssent dans des catastrophes ou dans des malheurs. Hein? Pourquoi? À cause de leur foi, Allah ne les sauve pas. Hein? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse dans ça. Il peut décider de sauver qui il veut, comme il peut décider de faire périr qui il veut. Mais le fait qu'un croyant périsse dans une catastrophe ou dans un malheur quelconque, ça ne veut pas dire du tout que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du mal. Au contraire, hein? Peut-être que justement c'est une cause pour que ses péchés lui soient pardonnés et qu'il soit élevé en degré dans l'au-delà. Mais ça, c'est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas croyant. Hein? Si quelqu'un est kafir, essaie de lui faire comprendre ça. Le cheikh, il dit ensuite, وفي هذا الحديث عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة الصالح والطالح العقوبة إذا وقعت تعم ولا تترك أحدا ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب والشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم فهو كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc on va terminer l'explication de ce hadith là avec les paroles suivantes. Le cheikh, il dit que la leçon qu'on peut tirer de ce hadith là c'est que lorsque quelqu'un il accompagne des gens du faux ou les gens de la transgression, hein, et du mal, hein, alors il sera puni avec eux, même s'il était bon. Il dit parce que le châtiment, lorsqu'il tombe, il touche à tout le monde, de façon générale, et personne n'est laissé. Tout le monde est touché par ce châtiment-là. Et au jour de la résurrection, chacun sera ressuscité selon son intention. Et il mentionne comme référence par rapport à ça, justement, un verset qui est le verset 25 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à ce sujet-là quelque chose d'intéressant et d'important. Il dit: et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et ça, c'est lorsque les gens, hein, dans une cité ou dans un endroit quelconque, savent le bien et font le bien, mais ils ne l'interdisent pas aux autres ou avertissent pas les autres ou ne donnent pas la nasiha aux autres qui font le mal. Eh bien, ils vont être châtiés avec eux. Et le cheikh, il dit, il y a dans ce hadith, hein, quelque chose qui témoigne de la signification du hadith précédent. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chacun sera ressuscité selon son intention, eh bien ça supporte là, et ça donne le même sens que le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Donc on s'arrête pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.